Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, supplément. Question 82, de l'impassibilité des corps glorieux. L'impassibilité, qui sera le partage des saints, ne sera pas la même dans tous. Elle n'exclura ni le sentiment ni l'exercice des sens. 1. Les corps des saints auront-ils l'impassibilité? Ce qui est semé dans la corruption ressuscitera en corruptible. 1 Corinthiens 15:42. Ce qu'on met en terre est sans force, il en ressuscitera plein de vigueur. Idem, 43. On voit par ces paroles que les corps des saints seront impassibles. La passion, d'où est venu le mot impassibilité, désigne ordinairement un mouvement qui est en dehors de la nature. Or, après la résurrection, les corps des saints seront parfaitement soumis à leur âme, qui sera parfaitement soumise elle-même à Dieu, rien ne pouvant altérer ni détruire le domaine de l'âme sur son corps glorifié. Les corps glorieux seront impassibles. Note. La puissance divine peut laisser au corps les propriétés qu'il lui plaît ôter les autres. Elle détruira, dans les corps glorieux, la passibilité des humeurs, bien qu'elle en laisse subsister la nature, comme elle ôta au feu de la fournaise de Babylone le pouvoir de consumer les trois enfants, tout en lui conservant la faculté de brûler certaines choses. Fin de la note. 2. Les saints auront-ils tous la même impassibilité? Ils auront tous la même impassibilité, si l'on entend par ce mot l'exemption de toute souffrance, mais si l'on remonte à la cause qui produit l'impassibilité, c'est-à-dire à la domination de l'âme sur le corps. Plus ils jouiront parfaitement de Dieu, plus leur impassibilité sera grande. 3. L'impassibilité des corps glorieux empêchera-t-elle la sensibilité? L'impassibilité ne privera pas les corps glorieux de l'exercice de leurs sens. Ce qui le prouve, c'est, d'abord, cette parole de l'Apocalypse. 1:7, tout œil le verra, et ses autres de la sagesse. 3:7, ils courront comme des feux à travers les roseaux, par lesquels on voit que les saints auront l'usage non seulement de leurs sens, mais de leurs membres. Leur vie corporelle, privée de toute sensibilité organique, ressemblerait évidemment beaucoup moins à la veille qu'au sommeil, état qui ne saurait convenir à la perfection de la gloire. De savoir comment les saints ressuscités sentiront, c'est sur quoi les opinions sont diverses. Nous ne dirons pas, avec quelques auteurs, que leurs sensations proviendront uniquement de leur âme, ce serait supposer que notre nature ne sera pas la même, et, après tout, il n'y aurait, dans ce cas, aucune véritable sensation. Nous ne dirons pas non plus qu'ils éprouveront une modification semblable à celle qu'éprouve notre main au contact du feu ou d'un corps odorant, mais nous dirons que les impressions qu'ils recevront du dehors seront spirituelles, comme celle de la pupille de notre œil, qui reçoit la blancheur sans devenir blanche elle-même. 4. Tous les sens des bienheureux seront-ils en exercice? La nature humaine aura, dans les corps glorifiés, sa plus haute perfection, comme une puissance est plus parfaite avec l'exercice que sans l'exercice, tous nos sens seront accompagnés de leurs actes, récompensés dans les justes ou punis dans les pécheurs. Ils trouveront dans leur exercice même des jouissances ou des peines. L'odeur ne sera pas défaut à l'odorat, l'église chante, les corps des saints répandront la plus suave odeur. Le son frappera l'oreille, le psalmiste dit, les louanges de Dieu seront dans la bouche des saints. Psaume 149, 6. Le goût ne sera plus modifié par les aliments, mais on peut croire qu'il le sera par une certaine humidité de la langue. Note. Tous nos sens saisiront les nuances les plus délicates des objets, la gloire, loin de détruire la nature, la fortifie et la perfectionne. Question 83. De la subtilité des corps glorieux. Nature de la subtilité. Si les corps glorieux peuvent exister dans un même lien avec un autre corps, s'ils sont impalpables. 1. La subtilité sera-t-elle une propriété des corps glorieux? Oui, et c'est ce que l'on peut inférer de ces paroles de l'apôtre. On sème un corps animal, il ressuscitera un corps spirituel. 1 Corinthiens 15, 44, c'est-à-dire un corps semblable à l'esprit. N'allons pas croire toutefois, avec certains hérétiques, que notre corps sera transformé en esprit. D'abord, ces deux sortes d'êtres n'ont aucun rapport matériel. Ensuite, si le corps devenait esprit, l'homme, naturellement composé d'une âme et d'un corps, ne ressusciterait point véritablement. Ne croyons pas davantage que notre corps deviendra un corps aérien. Le Christ ressuscité, qui sera la cause et le modèle de notre résurrection, avait un corps palpable, et cependant subtil. De plus, notre corps ressuscitera avec la chair et les os, ainsi que le corps du Sauveur lui-même, qui disait, « Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. » Luc 24, 39. Voilà pourquoi Job, parlant en prophète, s'écriait, « C'est dans ma propre chair que je verrai mon Dieu. » La subtilité des corps glorieux, complément de leur perfection, proviendra de l'empire que les âmes glorifiées exerceront sur leur propre corps, dont elles sont la forme naturelle, aussi un corps glorieux est-il appelé spirituel, c'est-à-dire entièrement soumis à l'esprit, comme la matière l'est à la forme. 2. Un corps glorieux peut-il, en vertu de sa subtilité seule, être dans un même lieu avec un corps non glorieux? Les corps glorieux n'auront perdu ni leur matière, ni leur forme, ni les autres modes qui tiennent à l'intégrité de notre nature, ils seront tangibles, comme celui de notre Seigneur, et, malgré leur subtilité, ils rempliront un lieu par leur dimension. Ils n'auront donc pas, en vertu même de leur subtilité, la propriété d'exister dans un même lieu simultanément avec un autre corps. Cette propriété pourra, toutefois, leur être accordée par une opération spéciale de la puissance divine. Lorsque le corps de Saint-Pierre guérissait les infirmes que son ombre touchait, ce n'était pas par sa vertu propre, ces prodiges étaient dus à la puissance divine, qui les opérait pour l'établissement de la foi. Pareillement, Dieu, pour rehausser l'état de la gloire, pourra faire qu'un corps glorieux soit dans un lieu déjà occupé par un corps non glorieux. Note. Les corps glorieux traverseront, par un effet de la puissance divine, les sphères célestes sans les diviser, ainsi celui du Seigneur pénétra dans l'endroit où les disciples étaient assemblés, bien que les portes fussent fermées. Mais il n'est pas nécessaire qu'ils tiennent cette propriété de leur subtilité même. Fin de la note. 3. Peut-il se faire par miracle que deux corps soient dans le même lieu? La Sainte Vierge enfanta miraculeusement son fils, or, dans ce bienheureux enfantement, deux corps furent dans le même lieu, l'enfant naquit sans altérer la virginité de sa mère. Il peut donc arriver par miracle que deux corps occupent un même lieu. Le Sauveur entrant dans le cénacle, quoique les portes fussent fermées, est une autre preuve de la même vérité. Si deux corps doivent nécessairement occuper deux différents lieux, cela provient de la diversité de leur matière. Or, de même qu'il se peut, par un miracle de la puissance divine, que les accidents existent en dehors de leur sujet, comme cela a lieu dans le sacrement de l'autel. Il se peut également, par un miracle, qu'un corps se distingue d'un autre corps, quoique sa matière ne se distingue pas par sa situation de la matière de cet autre. Si l'être des choses dépend des éléments essentiels que lui assignent les causes secondes ou prochaines, il dépend avant tout de Dieu même, comme de sa cause première. Il résulte de ces principes qu'un miracle peut faire que deux corps soient simultanément dans un même lieu. 4. Un corps glorieux peut-il exister dans le même lieu avec un autre corps glorieux? Deux esprits n'existent pas simultanément dans le même lieu, ainsi en est-il de deux corps glorieux, si spiritualisés qu'ils soient. Pour que deux corps occupent le même lieu, le plus fort doit pénétrer le plus faible, ce que l'on ne saurait admettre dans les corps glorieux. Sans doute, par un effet de la puissance divine, deux corps, glorieux ou non glorieux, pourraient exister dans le même lieu, mais ils n'ont pas cette propriété par eux-mêmes, et il ne convient pas que, dans la gloire, où doivent principalement briller l'ordre et la distinction des choses, les bienheureux occupent la même place, comme pour se faire obstacle l'un à l'autre. C'est pourquoi un corps glorieux ne sera jamais, même par miracle, dans un même lieu avec un autre corps glorieux. 5. La subtilité affranchit-elle un corps glorieux de la nécessité d'exister dans un espace égal à lui-même? Plusieurs ont supposé que la grandeur des corps glorieux dépend entièrement de l'âme qui les anime, de telle sorte que leur matière, demeurant toujours la même, augmente ou diminue de volume à volonté. Cela ne saurait être, un changement de grandeur dans leur matière porterait atteinte à leur impassibilité et à leur incorruptibilité. D'autres ont enseigné que les diverses parties de nos corps, changeant de position, rentreront les unes dans les autres, si bien que, réduits à des dimensions imperceptibles, ils pourront passer tout entier par le plus petit port d'un autre corps. Mais c'est encore là une chose inadmissible, qui répugne à l'ordre naturel et à la position respective des parties du corps humain. Il n'est pas même à croire que cela se fasse par miracle. Les corps glorieux occuperont donc toujours un espace égal à eux-mêmes. Note. On objectera peut-être que le corps du Christ ressuscité, auquel les nôtres seront conformes, n'est pas soumis à la nécessité d'occuper un lieu égal à lui-même, puisqu'il est contenu dans une hostie consacrée, si petite qu'elle soit. Nous avons répondu ailleurs que le corps de Jésus-Christ n'est pas d'une manière locale dans le sacrement de l'autel. Fin de la note. 6. Les corps glorieux sont-ils impalpables par leur subtilité même? Notre Seigneur, après sa résurrection, avait un corps palpable, ce que l'on voit par cette parole, touchez et voyez, un esprit n'a ni chair ni eau. Donc les corps glorieux seront palpables. L'hérésie d'Eutychius, évêque de Constantinople, consistait, au rapport de Saint Grégoire, à soutenir que notre corps sera impalpable dans la gloire de la résurrection. Les corps glorieux seront naturellement doués des qualités propres à modifier le tact, mais, parfaitement soumis à l'âme, ils pourront, au gré de la volonté, agir ou ne pas agir sur ce sens. Ils tiendront également de leur nature même la faculté de résister à tout corps étranger, de manière à ne pas occuper avec lui le même espace, mais ils pourront aussi, par un miracle de la puissance divine, se laisser pénétrer sans offrir de résistance, et occuper un même lieu avec un corps non glorieux. Ainsi, un corps glorieux, quoique palpable par sa nature, peut, en vertu d'un pouvoir surnaturel, devenir impalpable, quand il le veut, pour un corps non glorieux. Saint Grégoire demande pourquoi, dans le Cénacle, le Seigneur fit toucher par ses disciples son corps qu'il y avait fait entrer nonobstant les portes fermées, et il répond, il voulait montrer que son corps ressuscité avait la même nature, mais une toute autre gloire. Question 84. De l'agilité des corps glorieux. L'agilité doit être le partage des saints. Ils en font usage. Leur mouvement n'est pas instantané. 1. L'agilité convient-elle au corps glorieux? Ce qu'on met en terre, disait l'apôtre, est faible, il en sortira plein de force. 1 Corinthiens 15-13, c'est-à-dire plein de mouvement et de vie. L'âme est tout à la fois la forme et le moteur de son corps, sous ces deux rapports, elle produira en lui une soumission parfaite. Par la subtilité, il lui sera assujetti comme à sa forme, et, par l'agilité, il lui obéira en toutes choses comme à son moteur. L'agilité conviendra donc au corps glorieux, comme une perfection émanée de l'âme aussi bien que leur gloire. Note. S'il est dit quelque part qu'après la résurrection, les anges porteront les saints sur les nuées, au-devant du Christ, ce n'est pas que les saints doivent manquer d'agilité, c'est pour marquer de quel respect ils seront l'objet de la part des anges et de toutes les créatures. Fin de la note. 2. Les saints feront-ils usage de leur agilité? Il est écrit, ils courront sans se lasser et marcheront sans se fatiguer. Isaïe 40-31. Ils courront, dit la sagesse, 3-7, comme des feux au milieu des roseaux. Le corps du Christ s'émut dans son ascension, les corps des saints se mouvront également quand ils monteront vers le ciel empyré. De là ils se transporteront d'un lieu à un autre au gré de leur désir, soit pour manifester la sagesse divine, soit pour contempler les magnificences de la création. Leurs mouvements ne nuiront en aucune manière à leur béatitude, qui consistera à voir l'essence divine, Dieu leur sera partout présent, et l'on pourra leur appliquer ce que Saint Grégoire disait des anges, partout où ils sont envoyés, ils volent en Dieu même. 3. Le mouvement local des corps glorieux sera-t-il instantané? Non, parce que, ne cessant pas d'être des corps localisés dans un certain espace, ils ne pourront se transporter d'un point à un autre sans franchir le milieu intermédiaire. Mais le temps qui présidera à leur mouvement sera imperceptible, tant il sera court, et c'est ce qui fait dire à Saint Augustin que, partout où sera la volonté des élus, leur corps y sera aussi. Note. En vain l'on objecterait que, après la résurrection, le temps ne sera plus. Apocalypse 10, 6. Le temps mesuré par le mouvement du ciel ne sera plus, mais celui qui résulte de la succession des mouvements existera toujours. Question 85. De la clarté des corps glorieux. Que la clarté des corps glorieux pourra être revue par l'œil non glorifié, mais qu'elle pourra aussi lui être dérobée. 1. Les corps glorieux auront-ils la clarté? Les justes brilleront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Matthieu 13, 43. Ils seront comme des feux parmi les roseaux. Le corps semé dans l'ignominie ressuscitera dans la gloire. La clarté, comme on le voit, sera une propriété des corps glorieux. La cause de cette clarté sera le rejaillissement de la gloire de l'âme sur le corps, pour nous faire entendre que plus sera grande la clarté de l'âme en vertu des mérites acquis sur la terre, plus le corps sera resplendissant. L'apôtre compare les corps glorifiés aux étoiles, qui sont plus brillantes les unes que les autres. On verra, pour nous servir de la similitude employée par Saint Grégoire, la gloire de l'âme à travers l'enveloppe du corps, comme on voit à travers le cristal la couleur d'un objet. Note. La gloire qui rejaillira de l'âme, loin de détruire la nature du corps, la perfectionnera, à la couleur que les corps doivent avoir par leur nature même, se joindra la clarté provenant de la gloire de l'âme, comme on voit ici-bas la splendeur du soleil faire briller davantage certains objets naturellement colorés. Fin de la note. 2. La clarté des corps glorieux peut-elle être vue par un œil non glorifié? Les disciples, bien qu'ils ne fussent pas encore glorifiés, virent la clarté du corps de notre Seigneur dans la transfiguration. Le livre de la Sagesse, 5, nous apprend qu'au jour du jugement, les impies seront tourmentés à la vue de la gloire des justes. Donc la clarté des corps glorieux peut être revue des yeux non glorifiés, il en doit être ainsi, la lumière est faite pour la vue, et la vue pour la lumière. Note. La clarté de la gloire, direz-vous, qui est d'un autre genre que la lumière naturelle, n'a pas de proportion avec les yeux non glorifiés, il est vrai, cette lumière sera d'un autre genre sous le rapport de sa cause, mais non quant à son espèce. Loin d'offenser la vue, comme celle du soleil qui nous échauffe trop, elle lui causera un plaisir d'autant plus vif qu'elle sera elle-même plus grande. Aussi, dans l'Apocalypse 21:11, est-elle comparée à la clarté du jaspe. Fin de la note. 3. Les corps glorieux seront-ils nécessairement visibles pour les yeux non glorifiés? Le corps du Christ, après sa résurrection, n'était pas nécessairement visible, il se déroba, près d'Emmaüs, à la vue des disciples, preuve que les corps glorieux ne sont pas nécessairement visibles pour les yeux non glorifiés. Un objet est visible par son action sur l'organe de la vue. Or une chose peut agir ou ne pas agir sur un être étranger, sans éprouver elle-même aucun changement. Il s'ensuit qu'un corps glorieux peut, sans altérer ses propriétés, se rendre visible ou invisible. Il dépendra conséquemment de l'âme bienheureuse que son corps soit vu ou ne le soit pas, autrement il ne serait point pour elle un instrument parfaitement docile. Note. La clarté des corps glorieux se montrera ou se cachera au gré des âmes glorifiées. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.